Mis au nombre des proscrits pour cause de sûreté générale, Victor Hugo avait gagné Bruxelles quelques jours avant ce plébiscite de 1851. Il y rédigea Napoléon le Petit. Mais, jugeant insuffisantes les invectives qu'il lançait en prose au prince-président, Victor Hugo commença à l'attaquer en vers dans Les Châtiments. Ce recueil de l'exil, qui a été élu par la grande voix populaire pour faire durer le poète au-delà de son temps, pour faire sonner ses vers à la mémoire des hommes et pour lui conférer l'écho de la postérité. Victor Hugo ne put poursuivre son entreprise en Belgique. Le gouvernement belge l'expulsa. L'auteur de Napoléon le Petit se réfugia à Jersey, île franco-britannique, en vue des côtes de France, où, en 2 ans, il acheva ce vaste recueil lyrique, épique et satirique qui compte plus de 6 000 vers répartis en 7 livres.